bonne soirée qui vous attend encore. Avec Ice évidemment, mais un invité également, c'est Constantin. Ice et Constantin que vous pouvez retrouver au Temple chaque vendredi soir à la Glanerie en Belgique et que vous aurez l'occasion d'entendre tout de suite sur les ondes de Galaxy. Bonne soirée. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. Un maximum d'adrénaline et un maximum de frissons. Inertie, l'émission 100% techno de DJ Ice. Inertie, au platine sur le 95.3 DJ Ice. Oh, Galaxy.

Galaxy. like you know, oh, Galaxy. sur Galaxy. Thank you. sur Galaxy. We'll be right back. Party. We'll be right back. Yeah. that's what he meant when he told me. Dancing with my demons, hand in hand, writing down a spell with my feet in the sand in a language it will never end. Bye. I'm gonna go to the cloud.